cela. Touche pas le cul, frérot, on va s'en mêler. Avant calculer, je vais sortir ma crâle. D'une bouchée d'une seule, mon équipe t'avale. Tu peux faire le coup, d'autre manière, on va te mêler. Fais voir la télé, bénef sous scellé. Partout chez moi dans la France, imbécile. Fais-moi de la monnaie sur le prix d'une ville. À qui t'a prié Jésus sous la rafale. Libérez Wahao, libérez Wahao. Sors pas de la cantille. Descends sous-marin, roule une torpille. On t'épargne, tout dépend de la couleur du billet. Tout le monde a brillé, pas né pour briller. Laisse tout dans le trou, dans la tête, c'est la Syrie. J'porte le pare-balles et mes couilles quand ça tire. Du sang dans le drapeau, mais là pour sauf Salmiri. Mes gonzelles dedans, quand j'te dis fais-le. C'est le démon fondant qui a pour la couper. Rafale tire groupé, combien de fois t'as loupé. Haïti, Colombia, la Guadeloupe. Là les caméras, ça part en pied-point. Pêche dans le daron, balayette, femme enceinte. Tout ce qu'on veut, c'est l'or, le compte de tous ces morts. J'ai du somme qui perd fort, on sait pas du 22. Les rires aux éclats, qui donnent des frissons. Qui sort de prison, qui sourit, fait crari. On veut ta défaite, s'en fout de la victoire. Raconte-moi une histoire, un compte de Ferrari. C'est pour les grands frères, c'est pour les grands frères. Drable en fusil à pont 80 CR. Qui pense à toi, ça fait deux mois. Qui arrive dans ton dos et qui crie, te rappelle de moi. Dehors c'est ouais, le match on truc. Ta petite sœur dans son troisième film de Hulk. Quand je d'abord avec l'ange de la mort. Imbécile, j'ai senti son souffle dans ma nuque. Une disparition, une goutte de fumée. Un chinois en Chine, un bail fort à Touba. Remets la soupape, qu'on jamais assez. Je connais des mecs qu'on dit fois l'oseille à Booba. Coupable, coupable, le rat c'est nagé. Demain c'est large, de la lessive dans le sachet. Règle tes avoirs si tu veux contre les sages. Y'a pas très longtemps de guerre, on fume le messager. Petit frère tu sais pas, petit frère tu sais pas. Méfie-toi toujours du mec que t'as devant toi. La rue est grande, il coupe ta viande. Du 44 pour perforer la viande. Regarde dans mes yeux, pas de cagoule pour toi. Je sens le cœur du cercle et tout ça moelle. Ça boit ton sang, mange tes os et ta moelle. C'est ton genre pour la nuit, les joyeux Noël. T'as tout perdu, tu vas te refaire. De zéro à 100, y'a besoin que d'un coup. De la daronne et son sang à une fin de loup. Frère, on a mangé du pain dans du pain, nous. Sky dans le gosier, fuck négocier. Prépare le pompe pour scier ton carré. Madame la juge, on a grandi trop zère. Assis sur une chouin qu'à la tête à Djorka. Calme ta mère l'ancien, j'suis pas ton petit frère. Que démon c'est d'Adriano à l'Inter. Qui menace la famille sur le Facebook d'amour. J'connais des enfants qu'on paye pas en Kinder. J'suis pas d'un cauchemar, j'suis pas d'un cauchemar. Un réveil cellule, une soirée d'alcool. Encore poursuite quand l'hélico décolle. Ton ennemi t'attend ton fils devant l'école. Ça compte les bons points, ça vend, calibre, calibre sur le bon coin. Kilo sur eBay, équipe équipée, ça fume le Tibet. Mets-toi bien, tiens, c'est la FDJ qui paie. On est tous bourrés, on est tous bourrés. Tapin, podcast, cuisine, pancus, transat, rodka, chivas, coca. Un frère mus, deux frères mus qui sent la vodka. Un mercou récent, un brave parcours. Marmelé des marmeleurs, les petits bratous. Foutu à 15 ans, on voit les pinceaux. On fait les pinceaux, y'a du ketchup partout. Grandi dans le carnage, braqueur de mariage. Retour du Bénin, du head dans les bagages. Demande à Frank, tu sais ce que c'est qu'un hasard. La NASA, civil camouflé pour John NASA. Fermage de cellules, descente de rideau. Tonnerre d'imposteur, avalanche de mytho. L'amour c'est vaisseau, les limites ont tes sauts. T'es sûr que tu veux vraiment passer chez toi, hein? John, la casse balle d'Argenteuil, la Brosou, hier 9-1, 17ème, Cité Rougemont, Moulin Neuf, Cité Rouge 19ème, Félix Piat, le Parc, Herbel, SFC, André Lursa, les USA.